J'suis dans un 5 étoiles, couché du soleil, au bord de la mer. Ça y est, j'ai mis les voiles, je suis loin des jaloux sur la fille de ma mère. Et t'as beau faire le brave, si tu fais le cave, ici on t'enterre. Y'a plus trop de valeur, et j'espère qu'ils savent que je les monte en l'air. Faut donner même quand ça va, t'inquiète, le bon Dieu y voit tout. Faut faire sourire la maman, il était dur son parcours. Vaut mieux des pleurs pour ce que tu es, que pleurs pour ce que tu n'es pas. Peut-être que je suis pas trop tué, en tout cas vous inquiétez pas. Et nique les soucis, j'ai vu comme si c'était fini demain. Mon être dans le jacuzzi. Dans la Lamborghini, ah, et j'm'ennuie la vie. Et nous on vit la vie. Et j'm'ennuie la vie. Et nous on vit la vie. Tu as plus papa, si je te tire les oreilles. Sache que même en fumette, on fume pas de soleil. Car le vaillant c'est bien, et c'est sa mère c'est mieux. Ils veulent te voir à terre ses chiens, ils veulent te voir au quartier vieux. C'est vrai que ça fait mal, quand quelqu'un te touche. Tu repenses qu'à ça, quand la lune se couche. Swimming pool, et à la piscine, barbecue sur la terrasse. Même quand t'es